KCW, j'ai la rage, je deviens barge. Voler chez nous, c'est un chic. Ils ont la rage, mais nous aurons pas. Des guerres robotiques à coups de bombes atomiques. Génération trisomique pendant des heures, j'explique. La rue est à nous parce qu'on a grandi dedans. J'ai dormi sur ces bancs. La vie m'a mis des grosses claques. Et c'est à coups de Pâques, au parc ou à Lille, que je suis le plus tranquille et laisse passer le temps. Mais j'irai pas vendre ma mère pour un bout de cette là. Ouais, je parle de toi, tu te reconnais là. Un jour, tu tomberas sur plus fou que toi. Tu raseras les murs car ta tête sera sous contrat. Et qui sait, t'en reviendras peut-être pas. Tu peux faire le guerrier, car y'a plus de respect. Y'a que des bâtards qui aiment se sodomiser. Le sub leur a fait des gros trous dans le cerveau. Ça y est, vous rentrez dans l'eau et vous laisse sécher sans eau. Tu finiras en OD et tu le sais, sans le savoir. De toute façon, y'a plus d'espoir à espérer que vous changerez un jour. Mais moi, je reste pas à me morfondre à la tour ou au milieu de la foule à chercher une embrouille pour cause de responsabilité. Ne pas savoir s'assumer, contrôler ses émotions et toute sa dégradation. Assumer les choix qu'on fait, même si parfois y'a des méfaits. Dans les choses prévues, y'a toujours des imprévus. Vu le peu de choix que l'État nous laisse, je délaisse tous leurs choix, leur foi, je crois en moi. Ils ont qu'à se démerder dans la merde qu'ils ont déversée. J'ai fait mes propres choix, j'ai pas choisi la rue, c'est elle qui m'a enivré et montré comment ça se passait. Tour de passe-passe avant de finir à la casse. Et retombe sur la casse billet.